Si on considère qu'un verre standard d'alcool donne une alcoolémie maximum de 0,25 g par litre de sang, avec 5 verres, j'atteins une alcoolémie de 1,25 g, sans tenir compte de l'élimination progressive de l'alcool qui se produit entre le premier verre bu et le dernier avalé. Si on prend en compte une élimination à une cadence de 0,15 g par litre et par heure, au bout de 5 heures, j'ai éliminé 0,75 g. 1,25 g moins 0,75 égale 0,50. Je dois donc bien attendre au minimum 5 heures avant de prendre le volant si je ne veux pas risquer une contravention. Mais il est préférable et nettement conseillé d'attendre plus puisque les effets indésirables apparaissent dès 0,30 g d'alcool par litre de sang. Réponse